Vendredi 11 novembre, bienvenue à l'émission Les Différents, Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure cette semaine. Moi j'aime ça choisir des sujets super faciles à toutes les semaines. Je pense que pour les habitués, vous le savez, mais cette semaine c'est un sujet qui touche tout le monde, même si on parle de féminisme, on va parler de tout le monde, les hommes y compris. Avec tous les événements qui sont arrivés dans les derniers mois, dans les dernières années, et plus récemment à l'Université Laval, toutes les dénonciations qui ont été faites par les femmes concernant des abus dont elles auraient possiblement, mais je dis possiblement, qui auraient été victimes tant qu'il n'y a pas d'accusation qui a été donnée, c'est possiblement. On va en reparler de ça, du possiblement. Tout le monde a au moins entendu parler aussi du terme de la culture du viol dans les dernières semaines. Il y a même une marche qui a été faite dans 6 villes au Québec, dont Québec, le 26 octobre dernier, et pour dire aux victimes présumées, on vous croit, et pour dénoncer justement la culture du viol, on vous croit. Pourquoi? Parce que c'est un petit côté où est-ce que je donne mon opinion, là. J'ai l'impression que c'est le seul crime qui peut exister où est-ce que la victime a à se défendre. Si vous faites voler votre portefeuille, ben on dira pas c'est parce que tu l'as laissé sur la table puis qu'il était à côté de toi. On peut extrapoler dans ce sens-là. Les hommes aussi, ils ont écopé du rôle du méchant. Mais c'est justement un homme qui a eu l'idée de ce sujet-là, et puis vous le connaissez pour les habitués des différents, c'est Denis Viel, qui est collaborateur régulier des différents et qui est conseiller en développement personnel et professionnel. J'ai Emilia Castro aussi, qui est une militante féministe, et Catherine Lefrançois, qui nous a été prêtée de la part de CKIA, qu'on remercie. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, Denis, pourquoi ce sujet-là? C'est un sujet. L'angle, au départ, c'était pas nécessairement la culture du viol, mais ma préoccupation, c'était la question de l'identité masculine dans notre société, dans le fond. Toi, t'es vraiment parti du côté masculin pour aller voir vers le féminisme et la culture du viol. Plusieurs textes, hein. Je pense à Richard Martineau qui revient souvent sur la question de l'homme dans la publicité, par exemple, qui est devenu le faire-valoir, le compte-service. Hein? Il y a d'autres hommes qui ont... Ça fait plusieurs années que c'est dénoncé. Même. Exactement. Et les événements de l'Université Laval, les événements touchant M. Gomeschi, les événements touchant éventuellement, possiblement, un député de l'Assemblée nationale, tout ça m'amène à me questionner. Et quand on a amené le concept de culture du viol, pour moi, ça a été comme une surprise. Ah oui? Je connaissais pas, j'avais jamais réfléchi à la société québécoise sous l'angle de la culture du viol. Pour moi, c'était une nouveauté, une prise de conscience. Mm-hmm. Et ça m'a soulevé plein de questions. J'ai dit, est-ce qu'on est vraiment dans une culture du viol au Québec? Ça a été ça, une de mes interrogations. Est-ce que ça existe ici? Est-ce que ce n'est pas trop exagéré? Et j'ai dit, je vais faire une petite recherche, je vais aller voir un peu comment on définit c'est quoi la culture du viol d'abord, qu'est-ce qu'on entend par culture du viol. Et parce que c'est un thème qui est quand même galvaudé pas mal. On l'utilise de toutes les façons. Je suis pas sûr que tout le monde a la même définition. Je pense pas. D'abord, on pourrait commencer avec ça, comment on définit ça, la culture du viol. Et puis à partir de ça, en feuilletant ce qui s'écrivait ces derniers temps, en lisant certaines études à partir de certaines définitions, ça a fait il y a peut-être un problème, effectivement. Il y a peut-être quelque chose. Parce que la culture du viol, c'est pas nécessairement valider ou encourager le viol, mais ça peut être aussi minimiser. Minimiser ou fermer les yeux, justement à cause qu'on minimise. Là. Oui, et peut-être qu'au Québec, il y a quelque chose. Même si d'un côté, il y a, de la dénonciation, peut-être aussi que sous certains aspects, comme tu disais en entrée de jeu, une femme doit souvent se défendre elle-même pour qu'on la croie. Elle doit faire elle a souvent l'odieux de faire de la preuve, comme on dit. Oui. Hein? J'aimerais ça qu'on aborde, premièrement, le féminisme aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui, on dirait que ça commence à éclater, là. On dirait qu'on revient un peu au début un peu des années 70, où est-ce que le féminisme était... On en entend beaucoup parler ces temps-ci, peut-être aussi à cause de, justement, la culture du viol. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le féminisme, le rôle de la femme par rapport au féminisme? J'aimerais ça vous entendre, mesdames, là-dessus. J'aimerais ça si... Mais je pense qu'on ne peut pas dire le féminisme. Je pense qu'il faut dire que dans le féminisme, il y a plusieurs tendances. Mm-hmm. Il me semble que c'est important. Parce qu'on se définit avant tout comme féminisme. Mais à l'intérieur de ça, moi, je me considère avant tout une militante féministe et politique. Moi, c'est dans l'action politique. Et j'ai défini que l'oppression des femmes passe parce qu'on est dans une société patriarcale, capitaliste et colonialiste. Mm-hmm. Moi, c'est clair, net et précis. Mais c'est sûr qu'une féministe libérale, c'est différent. Il y a des différences à l'intérieur du mouvement des femmes et c'est la réalité, mais je pense que c'est important de le dire, qu'il ne faut pas nous définir à travers une seule image, une seule interprétation, non. Définition, parce que nous sommes très différentes. Mm-hmm. Et plus on avance dans nos réflexions et dans nos analyses, plus on s'aperçoit aussi que le fait de remettre en question ce système-là, parce que ce n'est pas le destin qui a fait qu'on soit comme ça, c'est qu'il y a un objectif de ce système-là. Mm-hmm. Puis on le voit facilement actuellement aux États-Unis, avec ce qui vient d'arriver. Oui. On voit la mobilisation qui s'est faite dans les rues. Et c'est les jeunes, c'est les hommes, les noirs, les femmes qui c'est sortent, les oui. femmes qui sont dans la rue depuis oui. l'élection. Alors, je pense que c'est important de clarifier qu'il y a des tendances à l'intérieur du féminisme. Mm-hmm. Parce que, est-ce que je me trompe ou il y a un regain au niveau des mouvements féministes? Ben, moi, je crois que le féminisme est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans, pour ouais, un ensemble de c'est raisons. C'est ça, le regain que je parle, c'est de ça, là. Mm-hmm. Mais par contre, moi, j'abonde, là, dans le sens d'Emilia. On dit le féminisme, mais c'est les féministes. Mon féminisme n'est pas le même que celui de la personne que mm-hmm. je croise dans la rue. Et moi, mon vécu comme femme blanche de cette socio-économique assez confortable, mon vécu est extrêmement différent de celui d'une femme autochtone, d'une femme immigrante ou d'une femme d'Asie. Par exemple. Moi, je suis plus dans la lignée du féminisme qui est intersectionnelle. Donc, on dit qu'il y a une multiplicité d'identités qui forment des oppressions ou des privilèges. Donc, par exemple, le fait d'être blanc ou d'être blanche, c'est un immense privilège. Ouais. Le fait d'être un homme, c'en est un. Mais le fait d'être une femme blanche ne veut pas dire que moi, je suis plus privilégiée qu'un homme autochtone, par exemple. Donc, c'est toutes ces oppressions-là, comme le fait d'être une personne qui est cissexuelle. Donc, moi, mon identité de genre est conforme à mon identité de sexe. Ben, mon sexe biologique, l'orientation sexuelle, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont en santé, on parlerait de déterminants sociaux de la santé, donc qui ont une influence sur notre santé, qui ont une influence sur notre statut socio-économique, sur notre rapport aux autres, et toutes ces choses-là s'entrecroisent. Mm-hmm. Ils font qu'on se situe finalement à différents degrés d'oppression, donc on est discriminé, mais pas seulement dans les normes sociales, mais aussi dans les institutions, c'est excessivement politique et social. Et ça, je dirais pas que c'est le féministe qui est le plus populaire. C'est peut-être le plus populaire chez les féministes intellectuels, universitaires et dans mm-hmm. les institutions, notamment, mais il y a un regain beaucoup du féminisme qui est blanc. Et là, quand on parle du rôle des femmes, ouais. Je crois que la féministe blanche éduquée est souvent aveuglée de certains enjeux qui ne la concernent pas. Donc, qui sont? Par exemple, les féministes blanches vont souvent, qu'on peut dire libérales en fait, vont souvent s'attaquer au plafond de verre. L'équité salariale va être l'enjeu majeur, alors que, bon, une femme blanche, moi je connais les chiffres aux États-Unis, va gagner 70% du salaire d'un homme, mais une femme noire va en gagner 66%, une femme hispanique va en gagner 55%. Donc, souvent, cette lutte-là va vraiment aller chercher les femmes blanches de statut aisé. On l'a vu à Hollywood aussi, mais n'inclut mm-hmm. pas nécessairement les femmes qui sont racisées, les femmes qui sont exclues de cette espèce de norme-là de la femme qui a réussi et qui est généralement blanche et aisée. Ça en fait des termes. C'est à s'y perdre, carrément. À un moment donné, oui, on comprend le principe de ce que vous venez d'expliquer, mais c'est à s'y perdre. Moi, en tant que féministe aussi, je peux m'assumer en tant que féministe, j'ai pas le même terme que vous. Donc là, c'est vraiment... Puis au niveau populaire, quand on regarde, même sur les réseaux sociaux, quand on... Moi, j'en vois de tous les genres et je vois beaucoup de femmes qui vont chialer contre les féministes aussi. C'est quoi cette tendance-là de que les femmes... Peut-être, Denis, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, mais les femmes qui je sais pas, il y a comme une chicane entre nous autres. Ben, c'est la question à 1000 piastres ce matin. Je ne peux pas répondre à ta question encore, mais je dirais, c'est quoi être féministe d'abord? Et avant tout, pour vous. Mais moi, c'est très simple. C'est vouloir changer le monde, qui est injuste, envers les femmes particulièrement, mais aussi envers tous les êtres humains, parce que pour avoir milité énormément au niveau international, c'est là qu'on voit aussi les différences au niveau économique et social. Donc, la dernière action de la marche mondiale que nous avons fait, on avait comme thème de libérer nos corps, notre terre, et notre territoire. Et le territoire, c'est important parce que là, on faisait un travail d'alliance et de solidarité, particulièrement avec les femmes autochtones. Alors, pour moi, c'est ça, c'est vouloir changer le monde. Puis c'est pas seulement une utopie. Je pense qu'il faut le faire. On voit que ce monde n'est pas juste. Et je vais le dire dans des mots très simples, pas très théoriques. Pour moi, l'éducation, la formation politique féministe, c'est important. Parce que moi, je proviens d'une organisation syndicale. Et quand je rencontre les femmes des syndicats, c'est des femmes, effectivement, comme on les disait, qui arrivent et disent « Mais moi, je ne suis pas féministe dans les formations. » Il y a beaucoup de femmes qui disent « Non, je ne suis pas féministe, mais moi. » Parce que ça a été tellement mal nommé, mal utilisé, mais petit à petit, moi, je suis vraiment, puis j'ai vraiment une longue expérience au niveau syndical de voir ces femmes-là qui sont venues à une première formation où on ne fait pas un lavage de cerveau, loin de là. Non, non. C'est qu'on sort des éléments pour dire quelles sont tes conditions de vie, quelles sont tes conditions de travail. Mm-hmm. Et la première chose qu'elles vont nous dire, c'est dire, oui, je comprends, j'ai des mauvaises conditions de travail, mais au niveau de ma vie personnelle, ça va bien avec mon mari ou mon conjoint. On dit tant mieux, mais ici, on est vraiment pour regarder de façon collective. Pour l'égalité, plus au niveau... C'est ça. Ça. Puis on est bien content que ça y vienne chez vous. Oui. Mais tranquillement, quelques temps plus tard, on rencontre ces mêmes femmes, puis nous disent, là, j'ai compris. Je suis comme les autres. C'est-à-dire que je vis des injustices aussi comme travailleuse, mais aussi comme femme, parce qu'il y a une société qui m'amène à vivre ces oppressions-là. Et là, c'est comme ça qu'on l'aborde, nous, tranquillement, au niveau... Parce que les discours académiques, au niveau théorique, si on arrive avec des grandes théories, ça marche pas. Ah non, moi, je me fais fermer les portes, ça, c'est sûr. Ben oui. Mais on voit... Mais on comprend pas aussi, à un moment donné, c'est ça. Si on, moi, puis même avec les différents, on essaie de vulgariser le sujet, puis c'est là aussi pourquoi que j'existe ce matin, là. C'est pour ça que l'émission existe. C'est ça. Parce que je me rends compte que les dames, les femmes en général, veulent pas être associés. On a juste à prendre les stéréos qui, à un moment donné, dit non, je suis pas féministe. Et puis, dernièrement, qui vient de sortir un nouveau programme pour d'éducation sexuelle, tout ça, suite à l'Université Laval, ce qui est arrivé, tout d'un coup dit je suis féministe. On dirait, est-ce qu'on lui a expliqué le sujet à un moment donné? Mais est-ce Madame Thériault, je ne peux pas dire qu'il a sorti parce qu'un jour il s'est réveillé et a dit qu'il faut le faire. C'est important. C'est parce qu'il y a tellement de travail depuis des années, tellement de pression des groupes de femmes. C'est ça. On dirait que les femmes n'osent pas se définir féministes. Et maintenant, un coup que c'est expliqué, que c'est dit, ben, ils se rendent compte, ouais, je suis féministe finalement. Je sais pas, est-ce que vous êtes sur le terrain? Ben moi je pense que il y a eu une certaine chasse aux sorcières là des féministes, hein? Puis moi je me souviens là quand je grandissais dans les émissions pour enfants, il y avait l'image de la femme qui domine son conjoint, qui est féministe, qui s'habille pas de manière féminine, qui est très opprimante, qui se rase pas et qui est laide, qui est moche et qui est colérique. Donc c'est quel bonhomme ça? Moi c'était dans les Rases Moquettes. OK, c'est pas passe-partout. Non. Ils on n'est pas de la même génération. Non, c'est ça. Mais donc, il y a vraiment eu une espèce d'image, de mythe de la féministe qui fait que, ben, une féministe, c'est fâchée. C'est désagréable, ça n'aime pas les hommes, puis ça se rase pas, puis c'est laid, puis ça porte pas de talons. Fait que si moi, j'aime ça, me mettre belle, mais je peux pas être une féministe parce que les féministes vont me dire que de vouloir être belle, féminine, c'est d'être soumise aux conditions du patriarcat. Oui. Tout ça, c'est un mythe, là. C'est pas ça. C'est ça que je veux briser féministe. Ce matin. C'est ça. Moi, je dirais que le dénominateur commun, là, ce qui rassemble les féministes, c'est qu'on estime que les hommes et les femmes et les personnes qui ne rentrent pas dans la binarité homme-femme sont égaux, égales. C'est ça. Je pense que ça, c'est la base. Ensuite, c'est sûr que, comme Emilia disait, là, c'est beaucoup de choses. Mm-hmm. Puis, le mythe est tellement fort que quand on dit, ben, il y a des oppressions, tout ça, c'est dire, ben non, mais moi, ça va bien avec mon conjoint, mm-hmm. ma conjointe, tout ça. Mon père, ce n'est pas un oppresseur, ce n'est pas un violeur. Tu sais, on côtoie des hommes qu'on aime, on se dit non, tu sais, c'est pas vrai que ce qu'on nous dit, ce sont des mauvaises personnes et ce n'est pas ça que le féminisme dit. Ce que le féminisme dit, c'est qu'il y a de la socialisation qui est genrée, il y a des normes sociales, il y a une culture qui fait que la violence, elle est normalisée, qui fait que le sexisme, il est normalisé. Et c'est, donc là, c'est pas non plus de dire que c'est pas la faute des personnes qui commettent des actes qui sont violents, là, mais mm-hmm. reste que dans la masse des choses, ce sont des petites choses, ce sont des petits comportements. Ça va être le partage inéquitable des tâches ménagères, par exemple, mm-hmm. qui va être à 60-40. Ça paraît pas très gros, mais ça reste une inégalité qui est très persistante, même chez les jeunes couples. C'est peut-être moins pire qu'avant, mais ça reste qu'encore une fois, les femmes font plus de travail domestique, font plus de travail émotionnel, vont avoir plus de difficultés à obtenir un emploi, vont être plus fréquentes à se faire dire que c'est parce qu'elles sont belles ou c'est parce que elle a couché avec un... C'est des choses qui existent encore. Oui, aussitôt qu'on arrive dans un poste ou qu'on arrive dans un CA, puis que... notre patron, par exemple, c'est un homme. Ça m'est déjà arrivé là, de raconter ça, de me faire demander « Est-ce que tu as couché avec le boss? Est-ce que tu as fait de l'œil? » Parce que j'étais montée de grade. Donc, moi, ça m'est arrivé. Mais je suis pas la seule. On ne demandera pas ça à un homme. Non, c'est ça. Est-ce qu'on va demander « Est-ce que tu as couché avec lui? » Non. L'homme répond... Ça se posera même pas. C'est là où est-ce qu'on va aussi dans l'égalité. Si on arrive avec le sujet, là, je vous amène directement dans le vif du sujet, qui est la culture du viol, le terme. Au niveau des hommes, Denis, on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais ça qu'on élabore un petit peu plus, parce que oui, on parle des femmes, on parle des hommes. J'aimerais ça voir ton explication par rapport à ça. Bien, d'abord, encore là, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi la culture du viol. C'est ça. Parce que la culture du viol dans certains pays de culture différente, c'est pas la même culture qu'ici. Ça s'applique pas de la même façon. Comment vous la définissez? Au Québec, ici, c'est au quoi? Au Québec, ce que serait la culture du viol? Mais moi, si je peux, j'espère que ma définition sera simple et concise. mais moi, je crois que c'est un ensemble là, de normes, d'attitudes, de comportements, d'images qui sont véhiculées par les médias, mais mm-hmm. aussi qui sont sanctionnées par les institutions, qui banalisent l'agression sexuelle et la transgression du consentement. L'agression sexuelle et le harcèlement sexuel. Ben, c'est ça. Moi, agression, est-ce donc que, j'englobe viol, est-ce que pour toi, mais harcèlement. C'est pareil? Ben, je l'englobe, disons, sur le thème plus large qui est agression, disons, à caractère sexuel. mais bon, ben, la violence. Oui, c'est mm-hmm. ça. Tout ce qui est de la violence sexuelle à l'égard des gens qui ne se qui sont pas conformes aux normes patriarcales. Là, j'ai sorti le gros mot, mais donc c'est les femmes, mais c'est aussi les hommes qui ne sont pas conformes à la norme du match. De l'homme hétérosexuel, bon, tu sais, notamment, ça va être plus les jeunes garçons, mais les hommes mm-hmm. homosexuels, les hommes trans, donc, tu sais, c'est pas seulement à l'égard des femmes, mais ce que la culture du viol a de commun, c'est qu'elle est large, elle est sociale. Est-ce qu'elle est trop large? Ben, elle est encouragée par tout le monde. Les hommes et les femmes y contribuent. Mm-hmm. C'est sûr que quand on regarde les statistiques, c'est plus les hommes qui vont être du côté des agresseurs. Au Québec, c'est 96% des agressions qui sont commises par des hommes, là. Donc, mm-hmm. Puis c'est 80% des victimes qui sont des femmes. Donc ouais, on a quand même, on est dans les 80 quelques, ouais. C'est ça. Donc on a quand même une responsabilité qui est plus grande d'un côté, mais elle est encouragée par tout le monde parce que ça va être par exemple de banaliser l'agression sexuelle et ça c'est autant de dire ah tu sais elle a dit non mais elle voulait dire oui hein. Ça c'est assez commun là, mm-hmm. Mais c'est aussi de faire des blagues au sujet du viol, c'est aussi de blâmer la victime, tu sais, sur qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi elle était là, comment elle a encouragé, puis moi je dirais comment elle, encouragé, c'est ça. Ça. Ben ça revient à l'ouverture quand je disais tu te fais voler ton portefeuille, tout à fait. On ne dira pas ben là t'as-tu fait exprès. As-tu fait exprès? Ben là, t'as mis ces jeans-là où est-ce qu'on voit un petit peu le bout du portefeuille sortir dans la poche d'en arrière. T'as fait exprès? Mais non, là, on pose pas cette question-là à quelqu'un qui s'est fait voler son portefeuille parce que il y avait un petit bout de portefeuille qui paraissait. Tandis qu'une femme, si elle est décolletée, ah ben là, on voyait un peu trop de peau. Non, mais c'est vrai. C'est quoi cette mentalité-là à un moment donné? Ça vient d'où? Ça, c'est ma question fondamentale. je voudrais qu'on précise, quand tu dis sanctionné par les institutions, comment la culture du viol est sanctionnée par les institutions? Bien, je pense que les statistiques, quand on regarde les convictions pour agression sexuelle, parlent d'elles-mêmes. Hein. Sur 1000 cas, ça va être 3 qui vont finir par une conviction quelconque. C'est à peu près impossible d'obtenir justice avec une agression sexuelle parce que, bon, on va dire t'as attendu trop avant d'aller dénoncer. Tu sais, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on s'est fait violer qu'on a des bleus et on est complètement... on a beaucoup de traces physiques. Est-ce que c'est pas le Hollywood, à un moment donné, qui a comme mis dans la tête du monde, c'est comme ça qu'une agression existe? Mais moi, j'ai envie de dire qu'il y a le mythe de l'agresseur, là, qui est l'homme qui est dans la rue et qui t'attend au détour d'un coin sombre et qui va t'agresser violemment, alors que c'est 9 cas sur 10, je crois, des agressions qui sont commises par quelqu'un qu'on connaît ou qui est proche. Oui, c'est 9 sur 10, c'est ce que j'ai, oui. Mais moi, ce que je trouve désolant, qu'on est rendu à presque proche de 2017, puis qu'on en parle de ça, comme si c'était quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qu'on dénonce depuis fort longtemps au Québec. Ben, de l'an 2000, quand nous avons marché, des milliers de femmes au Québec, partout au Québec, ont demandé, entre autres, de l'éducation sexuelle dans les écoles. Oui. Parce que ça passe par là aussi. Oui. Est-ce qu'il a fallu cette dénonciation-là pour qu'on allume on sonne une cloche à l'Assemblée nationale pour dire, ben là, est-ce qu'on peut remettre les cours d'éducation sexuelle? Mais c'est ça qu'on dit, mais j'ai hâte de voir comment va se concrétiser parce que des promesses, on a eu tout le temps. Pour avoir fait partie des comités négociateurs avec le gouvernement en 2000, des promesses on a eues, mais n'ont jamais été concrétisées, que ce soit un gouvernement ou l'autre. Et les financements vis-à-vis les groupes de femmes qui donnent des services, pas seulement au niveau des femmes qui sont victimes de violences ou de viols, mais c'est aussi des groupes de femmes qui font l'éducation, qui vont dans les écoles. C'est important pour établir des rapports égalitaires. Alors, entre les hommes et les femmes, il faut commencer depuis que les jeunes sont dans les centres de la petite enfance, selon moi. Alors, c'est tout ça que ça ne se fait pas. Alors, de toute façon, oublions les centres de la petite enfance actuellement. Là, ils sont en train de se faire démolir par le gouvernement. Ce n'est pas important. Et je vous attire l'attention, c'est qui paye encore? C'est les enfants, bien sûr, mais c'est les femmes. Parce qu'avec les prix qu'ils vont coûter, c'est qui pense à quitter le travail? C'est les femmes, parce qu'elles gagnent moins cher que les hommes. On revient toujours au même. Puis les centres de la petite enfance sont majoritairement administrés aussi par des femmes. Tout à fait, mais c'est aussi que c'est un réseau qui a été mis sur le pied par des femmes. À l'époque, dans les années 70, c'était les groupes de femmes qui se sont mobilisés pour avoir accès au marché du travail, parce que avoir accès au marché du travail, ça veut dire partir tranquille, laisser les enfants en bonne main. C'est ça, en bonne main, mais c'est aussi pour avoir ce que c'est tellement important pour une femme, l'autonomie économique. Parce qu'avec ça aussi, ça nous aide dans notre chemin d'autonomie comme femme. Alors, c'est pas seulement économique, mais ça prend d'autres choses, mais quand même, c'est important. Alors, on est dans cette dimension-là. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment va se concrétiser la politique. Parce que les énoncés sont intéressants, mais j'ai hâte de voir les mesures concrètes, entre autres du financement vis-à-vis les groupes qui travaillent sur ces questions-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on parle d'institution, hein, ça, c'en est un exemple, mais le viol, c'est extrêmement lié à la violence. La violence, c'est souvent beaucoup lié au contrôle. Donc, chaque fois qu'on on augmente la dépendance des femmes, bon, généralement aux hommes, là, dans le cas, parce que souvent les hommes gagnent plus que les femmes, mais on augmente leur vulnérabilité. Puis les CPE, c'est un excellent exemple. Bon, je sors mon chapeau de professionnel en santé publique. Là. La meilleure mesure d'amélioration des conditions des femmes, c'est les CPE. C'est de permettre d'envoyer les enfants à prix modique, parce que sinon, qui va rester à la maison et va être au domicile? Ce sera généralement les femmes, parce que c'est elles qui gagnent moins. Donc, c'est le choix qui est le plus logique, et avec ce qui se passe. C'est le deuxième revenu encore. C'est encore considéré comme étant le deuxième revenu. Mm-hmm. Mais oui, c'est les femmes qui gagnent moins à 70 % des salaires décents, même quand on est professionnel. C'est quelque chose. Oui. Ça, c'est quand on accède à un poste. Ah. Parce qu'il faut encore, faut-il et montrer... Et on a une permanence, c'est ça. Oui, c'est y arriver. Il faut y montrer arriver. Qu'on est plus compétente. Ouais. Puis il y avait une étude qui est sortie récemment là, dans les universités. Bien, récemment, là, ça fait 2 ans environ. Mais c'était ils envoyaient des CV à des professeurs, là, donc dans un département de philosophie, je crois. Et puis, c'était pour un poste là, d'assistant de recherche. Et ils regardaient, le même CV gars-fille, combien, si le professeur acceptait la candidature et quel salaire il lui offrait d'emblée. Mm-hmm. Et les femmes, c'était 3 000 $ de moins et elles étaient beaucoup moins souvent acceptées que les hommes. Et c'était le même CV, il faisait juste changer les noms dessus. Les femmes aussi, est-ce que je me trompe ou est-ce que les femmes ont plus de pression au niveau professionnel si elles ont des enfants? Si elles en ont pas, ils ont la pression de quand est-ce que je vais tomber enceinte? Si j'en veux, est-ce que j'en veux? Parce que là, le questionnement, même si c'est illégal, reste que quand on se fait passer une entrevue, on se fait poser cette question-là. Même si c'est illégal, on se fait poser la question, est-ce que tu prévois... Tu sais, ils glissent ça en deçaide, là, puis ils disent, bon, mais est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que... Y a-tu toute cette pression-là, à un moment donné, ça... Oui, elle est impressionnante. C'est pour ça qu'elle existe encore beaucoup. Oui, oui, oui. C'est pour ça que toutes les organisations syndicales, puis il y a des groupes de femmes au niveau national aussi qui ont formé une coalition pour établir une politique sur la conciliation famille-travail-études. Que c'est fort important pour permettre aux femmes de pouvoir... Et quand on dit aux femmes, c'est terrible, parce que si on fait une politique, les hommes vont pouvoir en profiter. Mais c'est vraiment les femmes qui sont toujours coincées. Moi, je les vois au bureau, quand les enfants sont malades, moi, mes enfants sont beaucoup plus vieux, mais quand je vois les jeunes femmes qui travaillent avec moi, qui part quand l'enfant est malade, c'est encore la femme. La majorité, encore. Ah oui, c'est la réalité. Mais quand même, je dois dire qu'avec les gains des congés parentaux, on a vu un petit changement. C'est-à-dire une responsabilité parentale, il y a les hommes plus jeunes, là, il y a un petit changement. C'est ça. C'est intéressant. C'est là où est-ce que je veux voir aussi, puis on va prendre une pause, mais ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est la nouvelle génération. On a parlé aussi de l'éducation sexuelle qui arrivait peut-être dans les écoles. C'est censé y arriver, mais vous avez l'air un peu sceptique, je vous vois. Mais aussi de l'éducation de ces enfants-là et des autres générations qui s'en viennent avec l'accès à Internet. Denis, tu me parlais avant de l'accès à la pornographie. Est-ce que ça, au niveau d'éducation des nouvelles générations et de la jeune génération d'aujourd'hui, est-ce que ça a un impact? Donc, on va prendre une pause et puis on va en parler. On va démêler tout ça. on va démêler tout le sujet. À bientôt. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine heure. Ben pas pour la prochaine heure, jusqu'à 10 h en fait. J'aime ça des sujets comme... pas que j'aime le type de sujet de ce matin, mais reste qu'il faut qu'on en parle. Mais ce que j'aime, c'est qu'un sujet comme ce matin, qu'on parle de féministes, de culture du viol... ça suscite de l'intérêt et puis même pendant les pauses, mes invités continuent à en parler. J'aime ça. Mais ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Puis, Denis, avant la pause, je posais la question au niveau des nouvelles générations. Tu me parlais aussi des différences, de la difficulté à accepter encore la différence, puis ça, c'en est encore un bon point. Qu'est-ce que tu entends par l'acceptation de la différence à ce niveau-là, au niveau du côté homme-femme? Tu as deux questions là-dedans. D'abord, les nouvelles générations, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est pas gagné. C'est une impression, c'est pas scientifique. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on a du recul chez les plus jeunes générations. Oui. C'est drôle. On regarde ça, là, puis j'ai l'impression que. Au contraire, on avance un petit peu avec les nouvelles générations, les petits gars qui se permettent maintenant de jouer à poupée. Tu sais, si on va bien basic, là, il y en a qui commencent, là. Tu sais, que les parents acceptent que, ben, lui, il veut s'habiller en rose, elle veut s'habiller en bleu. Tu sais, ça commence à défaire un peu les préjugés puis les... Non, t'es pas d'accord. Ce que j'observe, c'est... Je pense qu'on voit pas le même monde. avec les médias sociaux. Avec Internet, ouais. Et l'accessibilité extrêmement facile à du contenu sexiste, pornographique. C'est présent dans la publicité, c'est présent, toutes les vidéos, musique, pop. J'ai l'impression qu'il y a, par rapport au rapport homme-femme, un enjeu, encore une fois, d'objectivation. Il y a comme une éducation à faire qu'on a perdue, je crois, avec la perte des cours en éducation sexuelle, entre autres. Mm-hmm. Parce que l'éducation sexuelle, c'est pas juste comment fonctionne l'appareil génital. Mm-hmm. C'est quoi être en relation affective? C'est quoi être en relation de partage? C'est quoi communiquer? Mm-hmm. Et le désir et l'attirance, il y a beaucoup de modèles de domination. Oui. J'ai le désir, tu dois te soumettre. On voit beaucoup de ces images-là dans différentes cultures. Et quand on parcourt Internet, c'est super facile, là. Ma fille qui a 8 ans, elle aime ça les vidéos de musique. Mm-hmm. Elle aime ça la musique. Ben, je suis obligé de voir qu'il y a une influence. Il y a une influence sur l'image de la femme qu'elle voit. Donc, on doit jaser. Mm-hmm. Faut qu'on jase. Mais si on n'est pas avec notre enfant, si on ne voit pas ce que notre enfant est en train d'intégrer comme image. Il ne réfléchit pas à l'enfant, là. Il est séduit. Il absorbe. C'est un peu ta consommation. Il trouve ça beau. Il y a de la musique, c'est le fun. Ah, c'est sexy. Mais, c'est de la consommation. Est-ce que la femme est devenue un objet de consommation? Je dirais que... Parce que j'ai cette impression-là de ce que tu me dis. C'est de l'entreprise. Un vidéo, c'est pour faire vendre. Ça veut aller chercher une clientèle. Ça veut... et ça va présenter une image qui va aller chercher... On réfléchit pas, là. On va chercher mm-hmm. plus dans l'instinct, dans les émotions de base. Oui. Puis c'est aussi qu'on donne une image toujours tellement différente des femmes. C'est une femme soumise, c'est une femme qui est un objet de plaisir. Voilà. On devient un objet. Ben, c'est l'objet, c'est la consommation, comme je disais. Et c'est pour ça qu'il faut contrecarrer ça. C'est pour ça que nous disons, là, oui, ça prend des cours d'éducation sexuelle. J'ai hâte de voir les contenus, par exemple. Parce que des cours d'éducation sexuelle, on peut en faire, mais avec toutes sortes de contenus. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il soit un contenu, là, qui établit quellement les principes et les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ça qu'il faut. Juste un exemple concret, l'augmentation des pratiques sadomasochistes, ça devient comme presque populaire. Mais c'est pas l'homme, c'est rarement l'homme. Ouais, mais l'homme. Avec le Fifty Shades, là. Ouais, mais ce n'est que ça s'est vendu pas mal. Mais c'est devenu un élément. Hein, c'est banalisé. C'est banalisé. Ça fait des claques, de se faire immobiliser, se faire imposer mm-hmm. Des pratiques sexuelles qu'on ne veut pas fondamentalement, mais ça rentre dans la culture. Moi, je trouve qu'il faut faire attention avec ça parce que, bon, Fifty Shades, c'est une chose. Là. Fifty Shades de 1, ce n'est pas, bon, on peut un peu du BDSM là, de façon plus large, là, mais ce n'est pas représentatif parce que c'est bon, ce qu'on appelle communément du sadomasochisme, ça se fait dans une culture de consentement. Les deux consentent parlent de qu'est-ce qui est leur limite, qu'est-ce qui ne l'est pas, établissent des codes pour... Fifty Shades, ce n'est pas ça. Fifty Shades, c'est vraiment le triomphe de la domination et de la fille, elle veut pas vraiment, mais elle le fait pour plaire à un homme. Est-ce et... que ça arrive pas, justement, oui. régulièrement, des femmes dans la vie de tous les jours, ça, qui vont dire « Ah, ben mon chum veut ». Mais peut-être que, ouais, je vais l'essayer pour y faire plaisir. Mais je pense pas que la parce que là, il y a la culture, là, qui est comme une sous-culture qui n'est pas partagée. Et ensuite, il y a peut-être le fait de prendre des éléments de cette culture-là parce qu'ils nous ont été vendus dans un modèle capitaliste, hein, parce que ça a été popularisé à travers toutes sortes de vidéos, à travers la pornographie. Mm-hmm. Je pense qu'il faut pas brouiller les cartes dans ce qui peut être une pratique qui peut être saine et probablement beaucoup plus consensuel que beaucoup de relations entre hommes et femmes et ce que les médias nous remâchent et essaient de nous vendre comme étant quelque chose de cool, edgy et qui va pimenter ta vie sexuelle. C'est ça. Il y a deux choses, puis ce qui est fondamental, c'est le consentement. Et le consentement, ça commence très jeune. Le consentement, ça commence par dire qu'un enfant qui n'a pas envie d'embrasser son oncle, ben il a le droit de ne pas le faire. Tout à fait. On n'a pas à forcer les enfants à avoir des gestes à l'égard de d'autres personnes qui n'ont pas envie d'avoir. Mm-hmm. Et ça, c'est souvent chez les petites filles qu'on va dire, tu sais, t'es jolie, vas-y, donne-tu un petit bisou avant de partir. Puis, ou même à son ami de son petit ami gars. Exactement. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais tout petite. Mon meilleur ami, que je salue, Michel, on a une journée de différence. On est liés là, depuis tout petit. Mais nos parents, ils donnaient un bec. On n'a jamais voulu ni un ni l'autre. Moi, j'avais mon côté féministe. Lui, il avait son côté, peut-être dédaigneux des petites filles à 5-6 ans, là. Mais c'était ça. Nous autres, c'était clair. Non, c'est comme mon petit frère, je veux pas l'embrasser. Fait que des fois, les parents, on dirait qu'ils vont pousser, t'amènent à un point qui est intéressant. Est-ce que ça fait partie, justement, de ce qu'on parle depuis tantôt, la culture du viol? L'image de, ben là, c'est pas grave, là, c'est juste un bec. Ouais, mais ça me tente pas. Je vous pose la question. Je vous vois pensif, les trois. Moi, je veux vous dire, il y a des responsabilités qui sont au niveau social, mais c'est vrai qu'il faut les transposer au niveau individuel de la famille. Oui. Moi, je pense aussi que là, on a un rôle à jouer. Moi, j'ai deux filles et un garçon. Les deux filles sont beaucoup plus vieilles, ont quitté la maison, mais mon fils, on a essayé de l'élever avec des valeurs, des respects envers les femmes. Mm-hmm. Alors, il s'est fait dire souvent, c'est ça, on le sait, ta mère est féministe. Mais ces gars-là, est-ce que qui sont élevés comme votre fils, est-ce que les chums de gars autour, ça peut pas avoir une influence à un moment donné plus forte que la famille, plus forte que l'éducation? C'est difficile à dire parce que là, je vais pas aller trop dans les personnels, mais quand même, mais quand même, quand on donne des éléments qui sont pas seulement par rapport à la question féministe, mais par rapport aussi à toute la question de la discrimination sociale, politique et économique vis-à-vis les pays du Sud, entre autres, parce que moi, je viens d'ailleurs. Mais je pense que non, moi, je ne le sens pas nécessairement comme ça. Je n'ai pas ces vécus-là. Tout au contraire, il y a eu un rapport qui est différent. Et je pense que, je vous donne un exemple, peut-être que c'est une anecdote, mais quand mon fils était petit puis jouait au soccer, j'adore le soccer. Alors, on allait, puis son entraîneur, à un moment donné, il disait, bon, vous partez jouer, il faut gagner le match, puis il ne faut pas jouer comme tapette. Bon, c'est ça, là. Mais c'était ça, les parents, là, puis c'était correct pour les parents. Moi, à la sortie, là, j'ai attendu l'entraîneur. J'ai dit, tu dis jamais ça. Parce que peut-être dans ton équipe, il y a des jeunes enfants, des jeunes garçons, et tu es en train de briser leur vie. Tu dis pas ça. Puis, mais je l'ai dit d'une façon, pour une première fois, en général, je suis assez directe. Faut que je me retienne un peu. Mais je l'ai dit vraiment d'une façon correcte, c'est ce que le monsieur a compris, puis a arrêté de dire ça. Ouais. Mais ça aussi, on a un devoir quand même pas être en gagne, mais quand on est tout seul devant des situations comme ça, de dire non, tu peux pas faire ça. Faut agir, à mon avis. C'est alors, il y a des responsabilités collectives et individuelles. Oui. Faut pas être attendre dans une grande marche, tout le monde ensemble, mais faut revendiquer. Moi, je crois ça, là. Déjà, de le faire individuellement, si on le fait pas, au moins, si on le fait pas dans une marche, au moins de le faire individuellement. Oui, mais pour moi, les deux choses sont très importantes. C'est individuellement, mais collectivement, c'est là que s'établit le rapport de force nécessaire. Oui. Puis quand on parle, ben, l'éducation des enfants, c'est ça, il y a ce que les parents vont instiguer, mais il y a aussi il y a l'environnement dans lequel les enfants vont grandir. Donc, même si toi, ton environnement familial est très, très parfait, disons, par exemple, mais reste qu'il y a, tous les médias, il y a toutes les personnes autour, il y a toutes ben, les institutions autour, il y a, tu sais, faut moi, je dirais que la façon numéro un, là, ça serait d'essayer de pas... Si tout le monde le faisait, hein, ça irait mieux. Oui, mais c'est pas possible. Il faut faire... Il y a des changements qui sont excessivement nécessaires et le plus rapidement possible au niveau politique, au niveau social. Et ça passe par le langage, ça passe par les comportements, ça passe par le fait que c'est pas acceptable quand on voit une fille qui est cute dans la rue de la siffler ou de lui crier des insanités. Ça passe par le fait que la fille qui s'habille de XY façon, on n'a pas à lui attribuer des noms qui sont dégradants. Mais d'un autre côté, j'aimerais ça aussi. Là, la oui, je suis féministe, mais je pense que j'aurais pas l'air de ça. À un moment donné, j'ai une de mes amies qui s'est faite siffler par 3-4 filles. Et puis, ces 3-4 filles-là le trouvaient bien cute. C'est ça aussi qui n'est pas acceptable. L'autre côté, l'inverse non plus n'est pas acceptable. On a entendu Anne-France Goldwater, à Tout le monde en parle, où est-ce qu'elle disait qu'un homme, c'était, ça ne servait pas à grand-chose. Mais si je reviens à mon ami qui s'est fait siffler, là, il s'est fait siffler, mais il me l'a dit après ça. Je me sentais comme un morceau de viande. J'aimais pas, j'étais pas bien. Mais je trouve ça drôle comme anecdote parce que qui est-ce qui a dit ici que c'était acceptable de faire ça hommes? Je veux dire, il n'y a pas de féministes qui vont dire ah, il faut vraiment qu'on traite les hommes comme ils traitent les femmes. Je veux dire, ben, il n'y a pas de féministes. En tout cas, non, les féministes disent pas ça. Puis c'est tout. Ça ressort souvent, mais c'est là, puis les hommes aussi sont objectifiés. Mais on ne dit pas que c'est correct. On dit juste que la proportion fait que c'est 90% du temps, c'est les femmes qui subissent ça. Exact. Donc nous, on se concentre sur cette lutte-là parce que aussi, l'homme qui se fait siffler dans la rue, là. Bon, est-ce que lui, ça fait qu'il se sent moins en sécurité de marcher dans la rue, puis que la prochaine fois, il va plus repasser là? Ben, la conséquence est pas pareille. Mais c'est tout ça. Tout à fait, c'est pas pareil. Fait qu'on n'est pas d'accord. Là, puis je suis pas en train de dire que c'est correct de le faire, mais ce que je dis, c'est que la conséquence est disproportionnée quand ça arrive à un homme ou quand ça arrive à une femme. Mm-hmm. Puis comme tu disais, là, le pourcentage est tellement, il y a tellement une différence, c'est une minorité. Ouais. J'ai jamais vu. De toute façon, j'ai jamais vu quelqu'un siffler ici, là. Mais quand on va en Amérique latine, oui, par exemple. Oui. Là, c'est quelque chose. Et même, j'étais en réaction parce que même les femmes, quand elles sortent dans la rue, quand il y a quelqu'un qui ne les a pas sifflées, ils disent « Oh, je suis mal habillée aujourd'hui. » Mais là, il faut travailler. C'est vraiment une question de culture. Ah hein, oui, mais c'est ça. Mais je pense que c'est la majorité, là. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis, là, qui... Et même les réflexes qu'on a. Moi, là, je reste à Limoilou, mais la nuit, là, quand c'est sombre, je ne marche pas dans les ruelles. C'est la crainte, oui. Mais la crainte, sûrement, là. Mais c'est ça, là. Ben, c'est pas. On ne marche pas l'esprit tranquille, en c'est tout cas. C'est ça, si tout à fait, pas. Tout à fait. Puis pourtant, c'est ça la réalité, là. Même une femme de mon âge, parce que je ne suis pas une jeune femme, une femme de mon âge aussi est craintive. Parce qu'on est femme. C'est ça. La violence, ça s'adresse à nous, de façon majoritaire. En terminant, oui. Ben, j'ai envie de dire, en fait, la culture du viol, c'est ça aussi. Hein, c'est, on dit aux femmes, arrangez-vous pour pas vous faire violer, au lieu de marteler aux hommes, ne violez pas. C'est ça. Exact. C'est ça. Ben, c'est un bon point. Puis, en terminant, sur le sujet du féminisme, parce qu'on va continuer, on va parler aussi avec Denis, puis je vous invite à rester, mesdames, parce que ça risque de vous intéresser aussi. En terminant, les nouvelles féministes. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous appelez les nouvelles féministes? Les nouvelles générations, les jeunes femmes qui s'assument maintenant, parce que là, il y a comme on disait tantôt, un regain. Ça ressemble à quoi? Parce que à chaque génération, c'est pas le même féministe, les mêmes féministes, là. On me regarde, je crois que j'incarne la jeune féministe à table, c'est ça? Je crois que les jeunes féministes sont excessivement variés. Est-ce que le mouvement ou les féministes, c'est mort? C'est pas mort du tout. Non. Hein? Moi, je crois que ça revit. C'est affirmatif, en tout cas. Ça renaît. Puis je crois que les mobilisations qui ont eu lieu, puis moi, pour avoir été membre de l'organisation de celle à Québec, là, on en a vu des jeunes qui s'y intéressent, qui en parlent. Je crois pas que c'est encore le sujet le plus populaire quand t'es une jeune fille au secondaire, par exemple. Mais je crois que ça se discute beaucoup plus que moi, puis je suis pas très vieille non plus, mais moi, il y a 12 ans, quand j'étais au secondaire, c'était pas du, on avait avait pas de club féministe ou d'alliés LGBTQ et tout ça. Et là, c'est des questions qui ressortent beaucoup plus et qui intéressent beaucoup plus. Donc, je crois que ça, c'est en gain. Par contre, l'envers de la médaille, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de réactions, hein, parce que souvent, on parle, ben, quand on parle de féminisme, d'oppression, on parle de privilèges. Et ça, souvent, ça fait qu'il y a un backlash, ça fait qu'il y a des hommes qui sont attaqués. Puis c'est souvent la première réaction, tu sais, justement, à cause du mythe de la féministe méchante qui existe encore. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois les jeunes, même s'ils sont exposés à beaucoup de sexisme, là, multiplateforme et dans tout. Ouais. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent que ce n'est pas acceptable. Et bien, ça ne l'était pas il y a 50 ans, ni il y a 30 ans, ça ne l'est pas plus aujourd'hui, mais je crois que c'est plus dénoncé et bon, moi, j'ai l'espoir qu'on va voir des changements en ce sens-là, même s'ils vont être probablement insuffisants. Moi, je suis très encouragée. Oui. Pour être une vieille féministe, j'étais militante politique dans mon pays. J'étais de là pas à féministe. Dire vieille féministe. Non, mais je suis vous pas êtes civile. Féministe. Mais non, mais pour différencier qu'on est quand même une génération qui est différente. Oh, oui. Mais c'est avec les femmes du Québec que j'ai appris à être féministe, que j'ai eu ma formation politique et ma conscientisation. Je l'ai dit partout où j'y vais parce que je pense que c'est important de dire merci aux femmes. Mm-hmm. Au mouvement des femmes de cette époque-là, quand je suis arrivée dans les années 74-75. Mais j'ai vu un regain chez les jeunes pendant la mobilisation étudiante. Il y a des féministes jeunes qui ont vécu beaucoup aussi des problèmes à l'intérieur, mais qui ont ressorti pour décider de s'organiser puis se définir comme féministes. Parce qu'on a vécu aussi là certains problèmes dans l'organisation puis dans la place qu'elles prenaient. Et plus ça va, je vois ces jeunes femmes qui sont là très présentes pour les avoir effectivement dans les dernières manifestations qu'il y a eu, et où elles ont pris aussi le leadership. Et ça nous amène un message à nous, les plus vieilles, c'est de dire, laissons-les la place également. Et ça nous mène un examen de conscience. Ça va être pas facile. J'ai dit, même personnellement, de dire comme, parce qu'on a une façon, une approche qui est très différente, puis il va falloir l'accepter comme nous, on l'a fait dans quelques années. Alors, on est là-dedans. Mais moi, je suis très encouragée. Très encouragée parce qu'en plus, on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes, puis on définit ce système-là de la même façon. Puis ça évolue aussi. Ah oui. Ça continue d'évoluer. Mesdames, merci, mais je vais vous garder avec moi parce que j'ai Denis ici qui a justement que on parle de femmes, on va parler d'hommes. Ta parole d'homme, qu'est-ce que c'est, Denis? Ah, je te ramène en arrière, j'ai un petit mot. Vas-y donc. On a abordé à quelques reprises le mot capitalisme est sorti à quelques reprises. Puis effectivement, le capitalisme crée des rapports de force, de pouvoir et de domination. Mm-hmm. Autrement dit, le capitalisme va favoriser qu'on objective les humains. Hein? Oui. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans un rapport de domination, ben on nie l'humanité de l'autre. Mm-hmm. On nie l'égalité de l'autre. Que ce soit un homme ou une femme. Non, peu importe, oui. Voilà. Des fois, ça peut être une question d'âge. Exactement. Et je pense que la clé, une des clés, oui, dans les cours d'éducation sexuelle qui, à mon avis, doivent revenir, il y a aussi une éducation à développer l'empathie. Oui. Est-ce que si j'ai de l'empathie, je vais aller agresser quelqu'un? Ben non. Si j'ai de l'empathie, est-ce que je vais vouloir violer quelqu'un? Non. Non. Parce que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Mm-hmm. C'est la capacité de rentrer un peu dans l'univers de l'autre et de projeter un ressenti. Mm-hmm. Autrement dit, c'est reconnaître l'autre comme un être humain et non pas un objet à mon service. Ben, il y a, je me rappelle pas dans quel, c'est-tu en Allemagne? J'en ai parlé dans une autre émission avec Éric Tremblay, qui était le prof différent pour enseigner différemment. Et on avait vu qu'il y avait des cours, écoute, je me rappelle pas quel pays, mais c'est en Europe, dans ce coin-là. Où est-ce qu'il y a une heure obligatoire par semaine de cours d'empathie? Est-ce que ça serait intéressant d'amener ça ici? Moi, je pense que c'est fondamental. Puis c'est vraiment... C'est là qu'ils ont vraiment vu, c'est depuis 97 ou 93. Là, j'ai pas les informations, tu me prends un peu de cours. Mais ce que ça fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que, rendus à 18, 19 ans, ils sont de plus en plus empathiques, les enfants, qui sont devenus des jeunes adultes. ils ont développé. Et puis c'est là aussi qu'ils peuvent voir les caractères un petit peu problématiques là, dans ce cas-là. Ceux qui ont de la difficulté avec l'empathie, pourquoi? Puis ils vont vraiment développer les émotions. Donc, si je trouve l'article, je le mettrai sur la page Facebook, les différents. L'agression, c'est un acting out, c'est une décharge. Mm-hmm. C'est l'expression d'un malaise intérieur, ça c'est clair. Et ça va se passer chez des gens qui ne maîtrisent pas et qui ne comprennent pas leur vie intérieure. Mm-hmm. Ils deviennent dominés eux-mêmes, puis exercent une domination chez l'autre. Et à mon avis, il faut éduquer à c'est quoi la vie intérieure, c'est quoi les émotions, c'est quoi la vie affective. Et l'empathie, à mon avis, c'est la clé. Plus on développe une société empathique, moins on devrait voir d'agression, plus on devrait aller vers l'égalité. Normalement, on reconnaît l'autre comme notre égal à ce moment-là. Ben oui. Et le temps passe vite. Hein? Le temps passe très vite, Denis. J'aimerais ça qu'on continue sur ce que tu fais. Parce que tu n'es pas juste collaborateur aux différents. Je travaille dans un organisme qui s'appelle Source Vive, Famille Monoparentale et Recomposée. C'est un organisme qui vise à supporter les familles monoparentales. Il y a tout un ensemble de programmes de loisirs, d'activités familiales, d'activités pour les adultes aussi. Et il y a des ateliers aussi de formation. Il y a aussi une offre d'accompagnement individualisé pour passer au travers des difficultés que ça peut mm-hmm. impliquer d'être en séparation, le deuil d'un couple, le deuil d'une famille idéale qu'on avait créée dans notre tête. Et à travers tout ça, je me disais, à travers le sujet, je me disais, il me semble que je vois beaucoup de femmes qui consultent. Hein, tu disais, les femmes ont pris en main, quelque part, leur vie intérieure, leur recherche personnelle, leur recherche affective. Mais on voit pas beaucoup les hommes, il y en a. Mais c'est pas la majorité. C'est encore tabou. On dirait qu'ils attendent d'être à la dernière minute, à la dernière limite de leur capacité. Quand ils peuvent plus faire autrement, c'est mm-hmm. là qu'ils vont consulter. Mais il y a beaucoup d'isolement aussi. Oui. Beaucoup d'hommes qui vivent des séparations s'isolent. On tente une expérience à Source Vive. On va lancer à partir du mois de février un atelier ouvert, c'est-à-dire que c'est pas des groupes fermés, c'est des groupes ouverts de partage qu'on appelle Parole d'hommes. Mm-hmm. L'objectif, c'est pour les pères en famille monoparentale, en famille recomposée ou en rupture, c'est qu'ils aient un espace libre pour se dire, se comprendre, partager des réalités communes, mm-hmm. trouver ensemble des solutions aux difficultés du quotidien. Et cet atelier-là va avoir lieu deux fois par mois. Le premier atelier a lieu le 13 février. Je vous donne le numéro, parce qu'il faut réserver. C'est un groupe ouvert, dans le sens que vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les rencontres. C'est un espace qui vous appartient. Et le numéro, c'est le 418-623-8121. Puis les coûts aussi, c'est pas... C'est 5 $ par rencontre, c'est plus symbolique. Hein? Ça aide à payer le café. Ben oui. Ça aide à payer les locaux, ça aide à payer les différents aspects de support de ce projet-là. De se rencontrer entre personnes qui vivent les mêmes choses ou à peu près, ça doit aider pas mal. Ben l'idée, c'est que les femmes ont développé une culture de solidarité beaucoup plus développée, une culture de recherche, de cheminement beaucoup plus développée avec, mm-hmm. grâce au mouvement féministe. Ça, c'est un des premiers niveaux. Le temps passe. Mais je pense que les hommes doivent approcher maintenant leur propre réalité. Oui. C'est ça. Voilà. Merci. Hey, merci, Denis. C'est très apprécié. Puis merci encore d'avoir proposé le sujet. Je pense que tu as ouvert un débat. Puis je pense qu'on n'a pas fini non plus d'en parler puis d'explorer ce sujet-là. Madame Emilia Castro, merci beaucoup. Merci. Je vais faire une annonce. Vous savez que le 25 novembre, on commence à souligner les journées contre la violence faite aux femmes, toutes sortes de violences. Puis pour Québec, on se redonne rendez-vous le 6 décembre à midi devant l'Assemblée nationale. Je vais mettre le lien. Excellent. Je vais mettre le lien sur la page Les Différents. Ça va me faire plaisir. Excellent. Catherine Lefrançois, merci beaucoup d'avoir traversé chez le compétiteur. Ben, ça fait plaisir. On peut te suivre avec les Simones. Ben oui, si vous avez envie de plus de féminisme, les Simones, c'est ben, mercredi prochain, donc c'est un mercredi sur deux, de 18 à 19 heures sur les ondes de Sequoia. Et quand c'est pas les Simones, eh ben, c'est Mes Amis de Filles, qui est une autre émission féministe. Donc, mercredi 18 heures, Sequoia, c'est toujours un bon rendez-vous. Ben, merci beaucoup. Écoutez, c'est tout cette semaine pour moi. Les différents, c'est quoi? Ben, on a parlé de différence aujourd'hui, puis oser être différent des fois, là. Puis je dirais peut-être aux filles qui écoutent, osez dire que vous êtes féministe, puis regardez autour de vous. Des fois, la réaction est pas nécessairement négative, puis au contraire, ça peut être juste du positif. Donc, je vais vous souhaiter une belle semaine, et puis nous, on se reparle vendredi prochain avec une autre différence. Bye-bye!